Il est 13h35 minutes sur le 895 de Dieu. Vous êtes bien sur Saint-Étienne et Périphérie et vous êtes bien même à Saint-Étienne au Parc Expo puisque Radio Dieu a délocalisé son studio et est en direct du week-end de la vie associative dans le hall d'entrée du Parc Expo entre hall A et hall B où se déroule actuellement le week-end de la vie associative depuis hier. Deux journées dédiées au monde associatif. Vous savez, c'est les grandes rentrées et forums associatifs, comme on le dit, alors qui se prêtent à ce jeu-là à Saint-Étienne sous cette forme de week-end de la vie associative, dit WEVA. Plus de 260 associations présentes, des dizaines d'initiations, démonstrations proposées. Je dirais des centaines même, plus de 500 sur l'ensemble du week-end. Différents pôles représentés, sport, bien-être, santé, culture, culture du monde, citoyenneté, solidarité, développement durable. Et c'est précisément d'ailleurs sous cette thématique et ce pôle-là que nous allons ouvrir et entamer cette deuxième partie de journée, après une pause repas bien méritée tout de même. Nous allons continuer cette journée avec une association de solidarité, présentation et perspective pour l'Amérique latine, avec l'association aux quatre coins du monde qui nous a rejoint avec une de ses représentantes, Marie-Pierre Familiard. Bonjour. Bonjour. Ravi et je vous dis un grand merci de nous avoir sélectionnés afin qu'on puisse un petit peu expliquer davantage. N'hésitez pas à mettre le micro très près de votre bouche. D'accord. Il a collé même le micro sous le menton. Mm-hmm. Oui, bien sûr, ravi également de vous retrouver. Alors, ce n'est pas simplement et que nous qui avons sélectionné les associations, c'est aussi en collaboration avec le service de la vie associative de Saint-Étienne que nous avons élaboré aussi et sélectionné ces associations. Alors, présentez-nous peut-être, dans un premier temps, l'association aux quatre coins du monde. Alors, l'association aux quatre coins du monde pratique le commerce équitable avec l'Amérique latine depuis 1986, sans aucun intermédiaire. Ce qui permet, évidemment, l'amélioration de la vie et du travail des artisans. Aux quatre coins du monde, c'est engagé auprès de ses partenaires. Donc, depuis 40 ans, notre association permet à des dizaines d'ateliers d'artisans de vivre décemment de leur travail. Pour cela, 50% du prix de la fabrication est versé à la commande, ce qui permet l'achat des matières premières et facilite la vie au quotidien des artisans. Et 50%, dès la réception de nos commandes, tout objet livré est payé. Quatre coins du monde prend en charge le risque commercial. Donc les différents ateliers sont visités au moins une fois par an pour la chargée de mission de l'association aux quatre coins du monde, afin d'avoir une certaine clarté sur nos activités. Voilà. Alors, présentation un peu générale et rapide. C'est une association de solidarité internationale. Pourquoi est-elle attachée à l'Amérique latine en particulier ? Alors, parce que notre fondatrice, qui est décédée il y a quelques années, avait été très malade durant sa vie, sa jeunesse, et était pratiquement condamnée. Et elle s'était dit que si elle s'en sortait, elle réaliserait un de ses rêves, elle partirait en Amérique latine. Et Dieu merci, elle a pu faire face à cette cruelle maladie, et donc elle est partie, sitôt qu'elle a pu, elle est partie, elle est restée, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 2 ans, à patrouiller un petit peu là-bas, à s'intéresser à l'artisanat, à s'intéresser à la vie de tous ces gens. Et petit à petit, lui est venue l'idée de faire quelque chose qui puisse aider tous ces gens-là, qui puisse les aider dans leur vie quotidienne. Et donc, tout doucement, l'association s'est montée et voilà. Et elle existe maintenant depuis plus de 40 ans. Oui, alors nous avons fêté la 40e année à l'automne. Oui, d'accord. Et alors, d'après ce que, en cherchant un petit peu des informations sur votre association, j'ai pu comprendre même qu'il y avait une sorte de fonds de donation. Oui. Au nom de cette fondatrice, justement, qui a été créée. Oui, Nicole Vittel. D'accord. Qui correspond à quoi exactement? Alors, ce sont des personnes, des bénévoles ou des personnes comme ça, qui nous font des versements annuels ou mensuels. Et puis, donc, ça nous permet d'aller plus vite dans le, dans le financement de certains programmes. C'est une sorte de contribution tout à fait. Ouverte. Alors, pour l'association, et revenir à son objet social, vous l'avez un petit peu déjà, largement même évoqué, il y a un petit peu deux axes principaux, finalement. Mmh. Il y a l'aspect, alors vous le disiez, parce que c'est une forme de solidarité qui se décline comme ça en deux axes principaux, à la fois le commerce, qu'on pourrait dire donc équitable. Tout à fait, mais c'est ça, c'est un commerce équitable. C'est du commerce équitable, avec des partenaires donc là-bas. Et on va parler d'où exactement, parce que quand on parle d'Amérique latine, c'est vaste. Au-delà du commerce équitable, c'est-à-dire aider finalement, ou en tout cas être en lien avec ses partenaires et ses artisans, notamment locaux, c'est le financement, le suivi, la réalisation même de programmes qui sont réalisés dans ces différents pays aussi. Alors, tout à fait ça. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre, on va, si vous voulez bien, reprendre axe par axe, l'aspect commerce équitable. Expliquez-nous peut-être comment cela fonctionne-t-il. Alors en fait, le commerce équitable, c'est qu'on rencontre des artisans et il n'y a pas de, on passe directement, on négocie avec eux, donc il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de frais supplémentaires. Voilà. On mène une petite enquête, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, dans quel sens les aider. Et ensuite, suivant leur fonction, suivant si ce sont des artisans, on les aide en leur passant commande. Et surtout, lorsqu'on passe commande, on leur verse 50% de la somme afin qu'ils puissent acheter la matière première. Et donc, sitôt qu'ils ont terminé, que nous avons reçu la livraison, on leur verse vite les autres 50% afin qu'ils puissent vivre avec cet argent. Voilà. Ouais. Alors, il y a une grande diversité de partenaires, de matières, de méthodes, en fonction aussi des pays avec qui avec lesquels vous travaillez. Oui. D'abord, quels sont-ils ? Alors, essentiellement, on va dire en premier, c'est le Pérou. D'accord. Ensuite, la Bolivie. Oui. On a quelques petits achats, mais bien moindres, au Guatemala. D'accord. Et un petit peu à l'Équateur. Équateur. Ouais. Alors. Colombie, Chili ? Non. Non. Non. Donc, c'est principalement sur ces pays-là. Voilà. Ensuite, l'artisanat recouvre aussi un champ assez vaste. Oui. Et on peut avoir d'ailleurs une représentation assez clichée ou stéréotypée de l'artisanat sud-américain. Quelle est la diversité des matières, des méthodes de l'artisanat avec lequel vous travaillez? Oui. Alors nous, on a des artisans qui sont dans tout ce qui est confection. Donc, évidemment, des tricots, des pulls, puisque là-bas, il y a la laine, l'alpaga, qui est une petite merveille pour... Voilà. On a aussi, bien évidemment, en Bolivie, ceux qui travaillent le cuir. Alors, pour tout ce qui est sacs, sacoches, etc. Au Pérou, il y a beaucoup, beaucoup de tout ce qui touche la poterie. Donc, tout ce qui touche crèche, déco de Noël, on a des vases. On a des tas de choses, décoration, des petits miroirs. C'est tellement vaste que voilà. Et avec la Bolivie, on a aussi certaines. On a beaucoup de cuir, mais on a aussi certaines. Des petits objets aussi qui sont artisanales et qui se vendent assez bien. Oui, donc plein de... Voilà, on a des chaussettes, on a des choses comme ça, voilà. Vêtements et autant terre, bois... Oui. Essentiellement, le Pérou, très, très, très souvent, la terre. Oui. Et maintenant, nous avons des nouveaux artisans qui, heureusement pour eux, arrivent à travailler autrement que leurs anciens et qui produisent plus vite et qui ont des fours pour faire... La céramique, par exemple, la terre. Et avec des alliages de peinture qui sont magnifiques. Et qui leur fait gagner du temps aussi, et certainement de l'argent aussi. Et alors, comment vous approchez aussi ces artisans, artistes, finalement aussi locaux? J'ai cru voir que vous travaillez aussi avec une certaine diversité de partenaires ou de structures, ou façons d'être structurés, autant les artisans directs que des ateliers qui peuvent être familiaux, des ateliers de réinsertion sociale, exactement, des coopératives. Oui, exactement. Alors, on a déjà la fille de notre présidente, qui a été initiée toute petite à tout ça. Et elle a, disons, beaucoup d'idées. et elle est très, elle veut toujours, comment dire, essayer d'améliorer tout un tas de choses, et ce qui nous permet de, elle est toujours à la recherche, toujours en train de voir ce qui pourrait encore améliorer davantage et faire travailler plus de personnes. Et elle y va, évidemment. Et elle rencontre souvent, elle recherche, c'est son but premier, des nouveaux artisans qui puissent nous apporter un peu plus de diversité pour que les clients aient envie de venir davantage, pas qu'on ait toujours le même artisanat. Mmh. Et notamment, là, il y a quelques années, il doit y avoir 4-5 ans, on a découvert en Équateur le bois de balsa. C'est un bois qui est très très léger et ces fabricants font des perroquets et des... C'est magnifique, tout simplement, et des toucans avec des peintures écologiques. Et là, au moment de la saison d'été, on en vend énormément parce que les gens mettent dans leur petit jardin, dans tout un tas de choses, quoi. Et donc, elle est toujours à la recherche un petit peu d'artisans qui vont nous apporter un nouveau pour donner envie aux clients de continuer à se servir chez nous et de découvrir. Très bien. Passons peut-être au deuxième aspect, ou deuxième axe, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est la réalisation, le financement, le suivi de programmes spécifiques, notamment dans les pays andins, je crois. Oui. Alors justement, peut-être quels sont-ils ? Alors entre ceux réalisés, peut-être, mm-hmm. et ceux en cours ou à venir ? Alors pendant des années, il y a 7-8 ans, pendant 8 ans, on a équipé des écoliers péruviens pour le matériel scolaire. Matériel scolaire et en plus une veste, un sac, enfin tout ce qu'il faut pour bien démarrer une année scolaire. Là, on en avait pris pour, je crois, 7 ans. On en équipait pas loin de 7000, je crois. Donc voilà. Ensuite, là, depuis 5 ans, nous sommes en Bolivie. Avec le réchauffement climatique, ils subissent beaucoup de problèmes pour produire une deuxième récolte de divers... style pommes de terre ou autre. Donc, on leur a fait installer des réservoirs d'eau. Là, nous en sommes à la 6e année. Il nous reste encore un an et le programme sera terminé. Donc, on trouvera d'autres programmes, évidemment. Auparavant, on avait eu aussi des parasitages de fermes avec des achats de nouveaux troupeaux, enfin, des tas de choses comme ça. D'accord. Donc, pas mal de projets menés. Est-ce que les deux sont en lien dans ces deux axes ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les ventes et bénéfices des produits issus du commerce équitable, par exemple, sont destinés au financement de programmes de solidarité ? Oui. Ou comment les deux sont interdépendants ou non, d'ailleurs ? Non, ils servent justement... nous, c'est avec les bénéfices que l'on réalise lors des ventes, lors des marchés de Noël, etc., et qu'on arrive à financer ces programmes, et tout en ajoutant ces donateurs là qui ponctuellement ou annuellement nous versent certaines sommes qui nous permettent d'avoir de réaliser des projets beaucoup plus importants. Est-ce que des personnes du continent sud-américain viennent aussi ou peuvent être présents ici? Ça arrive. Pour justement développer aussi leur activité commerciale, justement. Alors, il y en a parfois. Parce que j'ai vu que vous aviez 4 boutiques ou 3 physiques permanentes. On en a. Une à Lyon. Une à Lyon qui existe depuis toujours. Celle qui est donc rue Gambetta qui existe depuis 40 ans. À Saint-Étienne. Et là, nous venons d'en ouvrir une nouvelle donc à la Talaudière. Ah oui. Rue de l'Église. Donc, elle est ouverte depuis 9 mois. Donc, voilà. Voilà. Et là, alors, la question justement que je me posais, c'est-à-dire qu'en développant cette activité, il s'agit aussi de payer des charges pour un local. Oui. Souvent, il faut des personnes salariées qu'il faut aussi sans doute rémunérer. Enfin, voilà. Donc, c'était aussi une question de savoir comment... Alors, nous avons actuellement une seule personne qui est salariée. C'est lui qui s'occupe de la réception des marchandises, qui s'occupe de l'étiquetage, qui s'occupe de... du site internet aussi, parce que nous avons aussi des ventes sur internet. Oui, en ligne. Et donc, cette personne fait énormément de choses. Et c'est le seul salarié. Après, tout le reste, toutes les autres personnes, ce sont des bénévoles. D'accord. Ouais. Donc, voilà. Et d'accord. Justement, actuellement, on en manque cruellement. Et oui, de bénévoles. Oui, comme un petit peu de partout. Ouais. Et oui, l'associatif... est parfois en difficulté à ce niveau-là. Oui. D'accord, donc une personne salariée pour l'instant, un peu coordinatrice de l'ensemble de ces activités. Mais vous parliez de manque de bénévoles, mais j'avais quand même compté aussi, vu l'historique de l'association, 40 ans, j'avais pu voir qu'il y avait environ 120 membres. Mais entre les donateurs et entre les... Voilà, en toute partie prenante, finalement. Alors, ce ne sont pas des bénévoles forcément actifs, par exemple. Alors là, c'est vrai qu'actuellement, on a une partie de ces personnes qui ont vieilli, qui ont arrêté, ça peut se comprendre aussi. Et on a justement des personnes qui ont disparu, parce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées. Et là, ça n'a pas été simple non plus pour nous, parce que en plus d'avoir perdu presque des compagnons, quoi, voilà, il y a le manque et il faut essayer de, comme on dit à Saint-Étienne, boucher les trous pour arriver. Et là, actuellement, on a un besoin cruel de bénévoles. Ouais. Et de renouvellement, quoi. Oui, de renouvellement. C'est toujours parfois aussi la difficulté de la... Alors, à savoir que chez nous, les bénévoles n'ont pas un travail excessif. Simplement tenir la boutique, on les forme à la vente. Tenir la boutique, simplement, c'est tout ce qu'on leur demande. Accueillir le client, présenter l'artisanat, et puis voilà, faire des ventes. C'est tout ce que, après, moi, je suis responsable de la boutique, donc j'essaye d'en faire le plus possible. On fait également des marchés de Noël, des choses comme ça. Et voilà, on essaye de s'en sortir. Alors ça, c'est pour l'aspect davantage commercial, mais je me disais, dans une association à vocation aussi de solidarité et d'échange, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet impératif pour les membres et bénévoles que d'avoir aussi du lien, justement ? Oui, bien sûr. Et de l'échange avec aussi... Et on a justement des gens qui sont sur place et qui communiquent avec nous, qui font un petit peu l'intermédiaire entre l'artisan et qui surveillent aussi, comme nous sommes en Bolivie, qui surveille si la construction du projet se fait correctement et qui nous tiennent au courant. On a donc des personnes sur place. Oui. Des personnes sur place. Oui. Oui, oui, d'accord. Et qui sont originaires de là-bas très souvent. Oui. Oui, parce que c'est toujours parfois une position un peu délicate que d'être dans la solidarité, l'aide, le soutien, etc., sans être dans une position trop... comment dire, paternaliste, finalement. Oui, voilà, tout à fait, mais c'est tout à fait ça. Est-ce que ça, vous arrivez à éviter les écueils parfois liés à cette... Non, pas trop. On a quand même la chance que ça se passe relativement bien, qu'il y a de bons échanges et que les personnes avec qui on communique sont vraiment... on peut y avoir confiance, quoi. Oui. Ouais. Êtes-vous déjà partie, vous, là-bas ? Oui, moi, plusieurs fois. Plusieurs fois ? Moi, je suis une passionnée. Vous y rendez régulièrement ? Ouais, j'y suis allée. Je suis restée... Et quand je partais, je restais un mois. D'accord. Et... Je revenais avec pas envie de venir, mais bon, j'ai ma famille ici, j'ai mes enfants, donc voilà. Mais depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été attirée par cette civilisation inca et tout. Et moi, c'est que du bonheur. Donc vous continuez à y aller ? Oui. Dès que vous le pouvez ? Oui. Vous êtes allé récemment ou vous allez partir prochainement ? Non, la dernière fois, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Il y a eu des tas de problèmes de Covid, de machin, de trucs, etc. Pas toujours facile à gérer non plus. Mais j'ai fait la Bolivie, j'ai fait le Pérou, j'ai fait le Guatemala. Mais mes deux terres, c'est la Bolivie et le Pérou. Le Pérou, depuis que je suis tout enfant, j'ai eu cet appel et puis voilà. Et alors, quand vous êtes là-bas, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? C'est d'être en contact avec les projets en cours ? Pas forcément. D'être immergé dans la culture par ces projets-là ou au contraire, à une approche plus... Moi, c'est souvent... déjà, quand je pars, je suis chez l'habitant. Je ne pars pas avec un voyage organisé. Donc, on vit au quotidien avec eux. Et on visite aussi, parce que moi, c'est la deuxième association concernant le Pérou et dont je fais partie. Et on va visiter aussi certaines personnes qui font du petit artisanat, des choses comme ça. Et puis, on rencontre des tas de gens fort intéressants. On se promène, on a contact avec la faune, avec la flore. Et voilà. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Il y a toujours quelque chose... Très bien. Merci Marie-Pierre. Je vous familia. En prie, plaisir partagé. On renvoie bien sûr sur... alors je pense que vous avez à la fois les boutiques certes, mais un site internet. Oui, je ne l'ai pas noté, mais vous allez nous le communiquer si vous l'avez sous la main ou pas. En tout cas, c'est aux quatre coins du monde avec... Alors c'est A... aux quatre coins avec 4 en chiffres. Au 4CM. A4CMonde.org. Voilà, a4cmonde.org pour le site de cette association. Et puis les boutiques, comme on le disait, alors il y a Lyon, etc., mais on va rester sur localement Saint-Étienne et la Talaudière désormais depuis, depuis peu. Oui, et une très belle boutique donc, qui est dans un immeuble neuf et qui a beaucoup d'espace et où il y a vraiment des traits où l'artisanat est vraiment mis en valeur. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vous en prie, c'est moi pour qui vous cette association forte de cette expérience et connaissance de l'Amérique latine. Merci. Bonne fin de journée à vous. Je vous en souhaite autant. Merci.